Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, supplément. Question 89. Des juges et des accusés. Il y aura des hommes qui jugeront avec le Christ, ce sont les pauvres volontaires. Les anges seront témoins et non juges. Tous les hommes comparaîtront au jugement. Quels sont ceux qui ne seront pas jugés? 1. Quelques hommes jugeront-ils avec le Christ? D'après cette double parole, et vous aussi, vous serez assis sur 12 trônes, pour juger les 12 tribus d'Israël, Matthieu 19, 28. Le Seigneur, accompagné des anciens de son peuple, viendra pour juger, Isaïe 3, 14. Il y aura des hommes qui jugeront avec le Christ. Le mot juger peut être pris dans plusieurs acceptions, on juge en devenant soi-même une cause de jugement, c'est-à-dire en donnant lieu à une comparaison d'après laquelle un autre doit être jugé. Ainsi faut-il entendre cette parole du Seigneur, les hommes de Ninive s'élèveront au jour du jugement contre cette génération, Matthieu 12, 41. Cette manière de juger sera commune aux bons et aux méchants. On juge interprétativement, suivant l'adage que l'on fait une chose à laquelle on consent. Tous les élus, en approuvant le jugement prononcé par le Christ, jugeront de cette façon, et c'est ce que marque cette parole, les justes jugeront les nations. Sagesse 3:8. On juge comme assesseur et avec une certaine représentation, assis sur un siège éminent. Les hommes parfaits, auxquels est promise une participation à la puissance judiciaire du Christ, jugeront de la sorte, non seulement parce qu'ils paraîtront au-dessus de tous les autres lorsqu'ils iront à la rencontre du Christ dans les airs, mais parce qu'ils porteront gravés en eux les décrets de la divine justice, d'après laquelle les hommes seront jugés. Ils peuvent être, en effet, comparés au livre de la sagesse sacrée, dont ils ont transcrit les pages dans leur cœur. Et voilà pourquoi il est dit, le jugement s'établit, et les livres sont ouverts. Apocalypse 20, 12. Ces hommes, si parfaits qu'ils soient, ne jugeront pas par leur autorité propre. Cela n'appartient qu'à Dieu seul, mais ils manifesteront aux autres les arrêts de la justice divine. 2. Le pouvoir de juger correspond-il à la pauvreté volontaire? Sur cette parole du Seigneur, vous qui avez tout abandonné pour me suivre, la glose dit, ceux qui ont tout abandonné pour suivre leur Dieu seront les juges. Et ceux qui ont usé licitement de leurs biens seront jugés. Trois raisons démontrent que le pouvoir de juger sera donné aux pauvres volontaires qui se seront dépouillés de tout pour servir le Christ. Une raison de convenance, il n'y a rien en eux qui les puisse détourner de la justice. Puisqu'ils auront méprisé tout ce qui est dans le monde pour ne s'attacher qu'à Jésus-Christ. Une raison de mérite, ils se seront humiliés pour l'amour de Jésus-Christ, il est juste qu'ils soient exaltés par l'excellence du pouvoir judiciaire. Enfin, une raison de disposition, le renoncement aux biens extérieurs est le premier pas dans la perfection, aussi la pauvreté volontaire occupe-t-elle le premier rang parmi les béatitudes. À ceux-là donc qui auront tout abandonné pour suivre Jésus-Christ dans un état de vie parfaite et réserver le pouvoir de juger. Note. Nous ne devons pas croire, dit saint Augustin, que 12 hommes seulement seront investis du pouvoir de juger, autrement il ne resterait à celui qui a plus travaillé que tous les autres, à l'apôtre Paul, aucun trône pour juger. Puisque Matthias fut élevé à l'apostolat pour remplacer le traître Judas. Le grand apôtre proclame cependant assez haut qu'il sera lui-même, avec les saints, du nombre des juges, car il dit, Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? La puissance judiciaire est promise à tous ceux qui imiteront les apôtres dans la suite des siècles. Fin de la note. 3. Les anges jugeront-ils? Nous lisons dans l'Évangile, Dieu a donné au Christ le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Jean 5, 27. Les anges n'ont pas la nature humaine, par conséquent, ils n'ont pas le pouvoir de juger. Il est écrit encore, le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume tous les scandales. Matthieu 13, 41. Les ministres d'un juge ne sont pas des juges. Bien que l'autorité du jugement réside dans la Trinité tout entière, le jugement lui-même appartient au Fils de l'homme, qui se manifestera par sa nature humaine aux bons et aux méchants. Les assesseurs, pour être également aperçus de tous, des bons comme des méchants, devront posséder aussi la nature humaine. Il faut en conclure que le droit de juger n'appartient pas aux anges, ils ne jugeront qu'en approuvant la sentence. Note. Les anges gardiens apparaîtront comme témoins de nos actions, mais non pas comme juges. Fin de la note. 4. Les démons exécuteront-ils sur les damnés la sentence du juge? Si, d'un côté, il est juste que l'homme qui pêche soit assujetti aux démons, il ne l'est pas, de l'autre, que le démon domine sur l'homme. Considérant la justice divine dans un tel droit qui serait accordé aux mauvais anges, plusieurs auteurs ne veulent pas qu'après le jugement les démons soient appelés à présider au supplice des hommes. D'autres, considérant la justice divine dans les hommes qui sont punis, embrassent un sentiment opposé. Nous ne saurions décider d'une manière certaine laquelle de ces deux opinions doit être préférée. Il nous semble néanmoins plus probable que les damnés seront punis par les démons, parce que les anges sont des êtres intermédiaires entre la nature divine et la nature humaine. De même que les saints recevront les illuminations divines par les bons anges, de même les méchants subiront les arrêts de la justice divine par les démons. 5. Tous les hommes comparaîtront-ils au jugement? Il est écrit, le Christ a été établi par Dieu le juge des vivants et des morts. Actes des Apôtres 10, 42. Le voilà qui vient sur les nuées, tout œil le verra. Apocalypse 1, 7. Le pouvoir de juger, nous l'avons dit, a été décerné au Christ dans son humanité, pour prix des abaissements volontaires de sa passion, où il a donné tout son sang pour la rédemption des hommes. Il est dès lors convenable que tous les hommes soient réunis devant lui au jugement dernier, afin d'y être témoins des honneurs décernés à sa nature humaine, selon laquelle il a été constitué par Dieu juge des vivants et des morts. Note. Ces paroles, les impies ne ressusciteront pas au jugement, Psaume 1, 16, signifie que les pécheurs, et surtout les incroyants, sont déjà jugés. Les enfants eux-mêmes, morts avant l'âge de raison, seront appelés au jugement, non pour être jugés, mais pour contempler la gloire de notre Seigneur. Fin de la note. 6. Les bons seront-ils jugés? Il faut, disait saint Paul, que nous soyons tous manifestés au tribunal du Christ, pour que chacun y rende compte du bien et du mal qu'il aura fait dans son corps. 2 Corinthiens 5, 10. Le jugement renferme deux choses, la discussion des mérites et la rétribution des récompenses. Sous le rapport de la rétribution des récompenses, tous les hommes, même les bons, seront jugés, et chacun recevra, en vertu de l'arrêt divin, la récompense qu'il aura méritée. La discussion des mérites ne pourra s'établir que tant qu'il se présenterait un mélange de bien et de mal. Les hommes qui, pour nous servir de l'expression de l'apôtre, élèvent sur le fondement de la foi l'or, l'argent et les pierres précieuses, qui, dépouillés des biens de ce monde, se livrent tout entier au service de Dieu, n'auront point à subir cette partie du jugement. On peut dire que ceux-là seront sauvés sans être jugés, mais la discussion aura lieu à l'égard de ceux qui, sur ce même fondement de la foi, auront amassé le bois, le foin et la paille, c'est-à-dire qui auront eu quelque amour pour les choses du siècle. Quoiqu'ils n'aient jamais rien préféré à Jésus-Christ, ceux-ci seront jugés, et cependant sauvés. Note. Dans ce texte, celui qui croit ne sera pas jugé, Jean 3:18, le mot jugé équivaut à condamner. L'apôtre, dans le passage cité en tête de cet article, envisage le jugement du côté de la rétribution des récompenses. Fin de la note. 7. Les méchants seront-ils jugés? Tous les méchants, quels qu'ils soient, fidèles ou infidèles, seront jugés, si l'on entend par ce mot la rétribution des peines dues au péché, les infidèles, qui auront manqué du fondement de la foi, ne seront point admis à la discussion des mérites. Note. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, Jean 3:18, il s'agit de l'infidélité positive. Fin de la note. Les mauvais chrétiens, en qui ce fondement a été du moins conservé, subiront cette discussion, afin que la justice de la sentence qui les exclura de la cité des saints soit manifeste. 8. Les anges seront-ils jugés? Quant à la discussion qui précède la sentence et fait partie du jugement, ni les anges fidèles, qui n'ont rien de mauvais, ni les anges rebelles, en qui rien de bon ne se trouve, ne seront compris dans le jugement. Mais s'il s'agit de la rétribution qui fait également partie du jugement, les bons anges y recevront un surcroît de joie pour le salut des hommes qu'ils auront amenés au bien, et les mauvais un redoublement de douleur pour la damnation de ceux qu'ils auront induits au mal. Ainsi, quoique le jugement ne concerne pas directement les anges, qui n'y seront ni juges ni accusés, il les atteindra cependant indirectement, en tant qu'ils auront contribué aux actions des hommes. Note. Cette parole, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? 1 Corinthiens 6:3 doit être entendue du jugement de comparaison, dans lequel certains hommes seront trouvés supérieurs à certains anges. markendanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.